إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans notre explication du livre Al-Usul al-Thalatha avec le sharh du Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله. Donc le cheikh, il lit maintenant le verset qu'il a mentionné comme preuve de la signification de la ilaha illallah, le verset suivant dans sourate Al-Imran, le verset 64. Wa qawluhu ta'ala, qul ya ahla al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي نعم. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc on va traduire ce verset, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit en français ce qui signifie, dit au Muhammad, ô vous les gens du livre, hein, c'est-à-dire vous qui avez reçu le livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Venez à une parole commune entre vous et nous, ou entre nous et vous, que nous n'adorons rien excepté Allah. An la na'buda illallah. Que nous allons rien adorer excepté Allah. Wa la nushrika bihi shay'a. Et que nous n'allons rien associer avec lui dans l'adoration. Donc on voit ici la signification de la ilaha illallah. La ilaha, c'est an la nushrika bihi shay'a. Et illallah, an la na'buda illallah. Donc c'est la signification du témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que nous n'allons pas nous prendre les uns les autres comme des égaux en dehors d'Allah, comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, alors dis-leur, ou bien alors dites-leur, témoignez ou soyez témoins que nous sommes des musulmans, que nous sommes muslimoun. Donc ça c'est le verset 64 dans sourate Al-Imran. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit wa qawluhu ta'ala qul ta'alu aw qul ya ahla al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Hadhihi al-aya min sourate Al-Imran aw min sourate Al-Imran nazalat fi wafd Najran an-Nasara alladhina قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه وسألوه وحصل بينهم وبينه كلام طويل وهم نصارى من نصارى العرب وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم المباهلة فقال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Donc le cheikh il explique que ce verset, le verset 64 dans sourate Al Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Oh vous les gens du livre, venez vers une parole commune entre nous et vous, que nous n'allons rien adorer excepté Allah et que nous n'allons rien associer avec lui, hein, que nous n'allons rien associer avec lui. » Ce verset dans Surat Al-Imran a été révélé au sujet des chrétiens de Bani Najran, au sujet des chrétiens de Najran qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont débattu avec lui et qui lui ont posé des questions. Et il y a eu entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam des longs échanges. Et ce sont des chrétiens parmi les chrétiens arabes. Et à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-mubahala. Al-mubahala, comme c'est expliqué dans le verset 61 dans sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, alors dis-leur, amenez, dis-leur, allez, amenez vos fils, et amenez, amenez vos fils et nous allons amener nos fils, et amenez vos femmes et nous allons amener nos femmes, et amenez vos personnes et nous allons amener nos personnes, et puis ensuite nous allons faire al-mubahala, et nous allons invoquer la malédiction d'Allah sur le menteur. Donc chacun de notre tour, on va invoquer la malédiction d'Allah sur celui qui a menti, sur celui qui a menti. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mubahala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a invité ces chrétiens là à faire qu'est-ce qu'on appelle al-mubahala. Donc ça c'est la réalité de ce qui s'est passé dans cette rencontre. Contrairement à certains parfois qui ont déformé la réalité de cet événement et de cette rencontre qui s'est produit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu dans une cassette d'un prêcheur en Europe, il expliquait cet événement-là parce qu'il faisait ils font des rencontres et des dialogues interreligieux. Ils font des rencontres donc avec les chrétiens pour le rapprochement ou bien pour le dialogue, soi-disant qu'est-ce qu'ils appellent le dialogue avec les différentes religions. Et là, c'était une rencontre avec des chrétiens. Donc, il parlait avec les chrétiens, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accueilli les chrétiens dans sa mosquée, et il leur a dit, priez en le Dieu auquel vous croyez. Il a déformé la réalité de qu'est-ce qui s'est passé là, puisque lorsqu'ils sont venus, au contraire, il leur a pas dit prier en le Dieu auquel vous croyez ou des choses de ce genre. Il leur a dit plutôt qu'ils doivent croire en Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, ne rien associer avec lui, qu'ils doivent également reconnaître que Isa ibn Maryam c'est pas Dieu, c'est pas le Fils de Dieu, et que c'est un messager d'Allah seulement, un être humain, et qu'ils ne doivent pas l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Donc il a établi sur eux les preuves de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a mentionné les arguments et les preuves à ce sujet-là. Puis après avoir discuté longuement avec eux, à la fin, il les a appelés à faire qu'est-ce qu'on appelle al-mubahala, c'est-à-dire vous ramenez vos personnes, vos familles et tout le monde avec vous, et nous on amène notre famille et nos personnes avec nous, et on invoque la malédiction d'Allah sur celui d'entre nous qui est le menteur, à chacun son tour. Le cheikh il dit ensuite, cheikh Al-Fawzan il dit, فَلَمَّا طَلَبَ مِنْهُمُ الْمُبَاهَلَ خَافُوا وَلَمْ يُبَاهِلُوهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَدَفَعُوا لَهُ الْجِزْيَةُ لأنهم يعلمون أنهم على باطل وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتهل أي ندعو باللعنة على الكاذب منا وكانوا يعلمون أنهم هم الكاذبون ولو باهلوه نزلت عليهم النار وأحرقتهم في مكانهم فقالوا لا لكن ندفع الجزية ولا نباهلكم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجزية لقد تبين لهم أن الله أمره بما في هذه الآية وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله قوله ألا نعبد هذا النفي وقوله إلا الله هذا الإثبات وهذا هو العدل الذي قامت له السماوات والأرض فالسماوات والأرض قامت على التوحيد والعدل لا نشارك في عبادته شيئا لا المسيح الذي تزعمون أنه رب وتعبدونه من دون الله ولا غير المسيح ولا محمدا ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأولياء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله دونك le cheikh il dit ensuite donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire al-mubahala c'est-à-dire d'invoquer la malédiction sur celui d'entre eux qui est le menteur ils ont eu peur de le faire ils ont refusé ils n'ont pas voulu faire al-mubahala hein? Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a invité les chrétiens à qu'est-ce qu'on appelle al-mubahala et ça souvent même des ulama parfois ils appellent des individus à faire al-mubahala quand ce sont des gens de bid'ah ou des gens qui sont sur la déviation et l'égarement lorsqu'on a établi toutes les preuves on a montré on a donné les arguments et les explications à la personne et elle continue à s'obstiner et à refuser la vérité dans ce cas là tu les appelles à faire al-mubahala hein? C'est-à-dire qu'on invoque la malédiction d'Allah sur le menteur et ça on peut l'utiliser dans toutes les choses qui ont rapport avec le fait que lorsqu'il y a deux personnes qui sont sur chacun sur une position et qu'il n'y en a pas un des deux qui accepte de revenir sur sa position. Donc, dans ce cas-là, on dit d'accord, tu ne veux pas accepter qu'est-ce que je dis, alors dans ce cas-là, on fait al-mubahala. Tu ne veux pas accepter la vérité, on va faire al-mubahala, puis celui qui est le menteur, Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber sur lui la malédiction et le châtiment. Hein? Et donc, non, c'est un dua qu'on fait, dans lequel on demande la malédiction d'Allah sur le menteur. Oui, c'est une invocation. Donc on va dire, chacun ils vont dire, bon, si on est le menteur, alors que la malédiction d'Allah soit sur nous. Et si c'est eux les menteurs, ils vont dire la même chose. Et chacun leur tour, ils vont dire, si c'est moi qui est le menteur, alors que la malédiction d'Allah soit sur moi, et ainsi de suite. Hein? Et ça, on peut le faire même entre des gens, lorsqu'il y a des conflits ou des choses comme ça, des fois, quand il y a deux parties et que il y en a, les deux, ils nient quelque chose, eh bien, chacun, s'ils sont véridiques, ils prétendent être véridiques, alors on dit d'accord, on va faire al-mubahala pour régler ce problème. Tu amènes tes enfants, tu amènes tes femmes, ainsi de suite, et l'autre partie fait la même chose, puis on invoque la malédiction d'Allah sur l'autre, ou bien sur celui qui est le menteur. Donc, ils ont refusé, ils ont eu peur. Hein? Ils n'ont pas voulu faire la mubahala avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ils ont préféré payer la jizya au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam une taxe ou de payer un genre de taxe. On appelle al-mubahala. C'est une taxe de capitulation qu'on appelle al-jizya. C'est ça. Pardon. Donc ils ont préféré payer la jizya plutôt que de faire la mubahala. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont eux qui sont sur le faux et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah. Donc, s'ils font la mubahala contre lui, ils sont finis, ils sont perdus. Parce que nabtahil, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va invoquer la malédiction, l'ana, sur le menteur d'entre nous. Et ils savaient très bien que ce sont eux les menteurs. Donc s'ils vont faire la mubahala, Allah subhanahu wa ta'ala va aller faire tomber sur eux un feu directement du ciel sur leur tête, qui allait les brûler sur place. Et donc, ils ont dit non, on ne veut pas faire la mubahala. Mais, à la place, on va donner une taxe, on va payer une taxe, on va payer la jizya. D'accord ? Et on ne veut pas faire la mubahala avec vous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la jizya de leur part. Et il a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, donc il a clarifié qu'est-ce qui s'est passé justement à leur sujet dans ce verset, dans le verset de Al-Imran, le verset 64. Dit لقد تبين لهم أن الله أمره بما في هذه الآية. Donc ça a été clair pour eux que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de respecter ce qui est dans le verset 64 dans sourate Al-Imran, hein, s'ils sont véridiques. Le cheikh il dit wa hadhihi al-aya, donc ce verset, dedans il y a quoi? Il y a la signification du témoignage de la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il y a la signification du témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset Allah na'buda, ça c'est une négation, c'est-à-dire qu'il n'adore rien d'autre que Allah. Ça c'est l'affirmation. Et en fait Allah na'buda, ça c'est l'affirmation, illallah, c'est la négation. Oui, c'est l'inverse. Allah na'buda, ça c'est la négation. Et illallah, ça c'est l'affirmation. C'est-à-dire qu'il n'adore que Allah, excepté Allah. Et donc, ça c'est la justice sur laquelle a été bâti et établi les cieux et la terre. Les cieux et la terre sont établis sur le tawhid, sur la justice. Que rien ne soit adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala et que rien ne soit associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Hein? Ni al-Masih, c'est-à-dire même le Messie qui est pour vous celui que vous prétendez être le Seigneur, que vous adorez en dehors d'Allah, ni autre que le Messie non plus. Ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun d'entre les prophètes, ni aucun d'entre les hommes pieux, ni aucun d'entre les saints ne doivent être adorés. C'est-à-dire comme Allah il le dit, Allah na'buda illallah, qu'on adore que Allah et qu'on n'associe rien avec lui. Wala nushrika bihi shay'a, et qu'on n'associe rien avec lui. Donc Allah na'buda illallah, c'est la signification de la ilaha illallah dans ce verset. Et wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah كما اتخذتم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا واتخاذ الأحبار والرهبان من دون الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله وهذا معنى اتخاذهم أربابا من دون الله إذا كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فإذا أطاعوهم في ذلك فقد اتخذوهم أربابا لأن الذي يشرع للناس ويحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit ensuite, et qu'on ne prenne pas des seigneurs de par les uns les autres, qu'on ne prenne pas les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des égaux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 31 dans sourate Tawbah, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer une divinité unique. Hein? Et le fait de les prendre, c'est-à-dire le fait de prendre ces rabbins et ces moines comme des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant le fait de leur obéir dans le fait de rendre halal ce qui est haram. Le fait de rendre halal ce que Allah a rendu haram ou le fait de rendre haram ce que Allah a rendu halal. Et il mentionne justement à ce point-ci dans la note de bas de page le hadith de Adi ibn Hatim. Il dit "Unzur hadith Adi ibn Hatim رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه وإذا حرموا شيئا حرموه. C'est-à-dire voir le hadith d'Ali ibn Hatim رضي الله عنه dans lequel wa alaykum salam. Allah, ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, le hadith 3095, dans lequel il y a que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, hein, ces gens-là, ils ne les adoraient pas. C'est-à-dire, les chrétiens, ils ne les adoraient pas. Ils n'adoraient pas les moines et les rabbins et les moines. Mais, lorsque ils rendaient, lorsqu'ils avaient rendu quelque chose, qui était haram, il le rendait halal, les gens le rendaient halal. Et lorsque quelque chose haram, il le rendait, lorsque quelque chose était halal, il le rendait haram, alors les gens le rendaient haram à cause de ça. Donc, dans des cas comme ça, on voit qu'ils ont pris leurs moines et leurs rabbins, c'est ça que ça signifie, de les prendre comme des seigneurs, de leur obéir et de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal, selon ce que disent ces moines et selon ce que disent ces rabbins. Et le cheikh il dit donc que c'est ça la signification ici. Lorsqu'ils rendaient halal ce qui est haram, eux ils les obéissaient là-dedans. Lorsqu'ils rendaient haram ce qui est halal, ils les obéissaient là-dedans. Donc ils les ont pris comme des seigneurs. Parce que le seul qui a le droit de légiférer pour les hommes et de rendre halal quelque chose ou de rendre haram quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui a le droit de rendre légal ou illégal, licite ou illicite, halal ou haram quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un se met à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ça, et rend halal ce qui est haram ou rend haram ce qui est halal, c'est comme s'il s'est mis à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si toi tu le suis dans ça, et que tu crois en ce qu'il dit, avec connaissance, tu sais que ce qu'il rend halal, c'est quelque chose que Allah a rendu haram, et tu sais que ce qu'il rend haram, c'est quelque chose que Allah a déclaré halal, tu le sais, mais malgré tout, tu le suis dans ce que cette personne l'a dit, alors dans ce cas-là, tu l'as pris comme un seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit, فَإِنْ تَوَلَّوْا وَلَمْ يَقْبَلُوا دَعْوَةَ التَّوْحِيدِ فَقُولُوا اِشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اشهدوهم اشهدوهم على ان نعم اشهدوهم على انهم موحدون وانهم كفار اي نعم اشهدوهم على انكم موحدون وانهم كفار بينوا لهم بطلان ما هم عليه ففي هذه الآية البراءة من دين المشركين والمصارحة بذلك اشهدوا بأننا مسلمون ففي هذا وجوب إعلان بطلان ما عليه المشركون وعدم السكوت عن ذلك والإعلان عن بطلان الشرك والرد على أهله. Donc le cheikh dit ici il se détourne, c'est-à-dire qu'il refuse d'accepter l'invitation au tawhid, alors dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans, que nous sommes muslimoun. C'est-à-dire, prenez-les comme témoins que vous êtes vous des gens qui sont muwahidoun, qui sont sur le tawhid. Celui qui est sur le tawhid, on dit de lui qu'il est muwahid. Le muwahid, celui qui a établi le tawhid. Et prenez-leur comme témoin également que eux sont des kuffars, que ce sont des mécréants. Et expliquez-leur également la fausseté de ce qu'ils font et la fausseté de ce qu'ils pratiquent comme religion. Et donc ça, c'est là, ça démontre que dans ce verset-là, il y a le désaveu. Il y a le désaveu de la religion des mouchriquines. Et le fait de le dire et de le déclarer ouvertement et clairement et explicitement. C'est-à-dire de dire ouvertement et explicitement qu'on se désavoue complètement de la religion des mouchriquines. Et on les prend comme témoins que nous sommes des musulmans, c'est-à-dire des musulmans qui sont sur le tawhid et qui s'écartent et qui se désavouent du shirk. Et ça, il y a aussi là-dedans la preuve que c'est obligatoire de déclarer la fausseté de ce que suivent les mouchriquines. C'est obligatoire de déclarer que ce que pratiquent les chrétiens et les juifs et les mouchriquines, c'est faux. Hein, et que c'est la religion du mensonge et de la fausseté. Et qu'on ne doit pas se taire à ce sujet-là. Qu'on ne doit pas se taire à ce sujet-là, comme le cheikh il le dit. وعدم السكوت عن ذلك والإعلان عن بطلان الشرك والرد على أهله. Il demande de déclarer la fausseté de la religion du shirk et de réfuter les gens qui sont sur le shirk. Ça, c'est une obligation pour les musulmans. On ne peut pas se taire à ce sujet-là ou cacher cette réalité-là, comme malheureusement certains individus aujourd'hui appellent à ça. Au nom du dialogue, au nom du rapprochement avec les autres religions, hein, de dire que non, ce ne sont pas des koufars, non, il ne faut pas dire que ce sont des mouchriquines, non, il ne faut pas dire que leur religion c'est du shirk ou du kufr ou des choses comme ça. Hein? Donc, le cheikh, il fait un résumé. Il dit, wal-khulasa. Le résumé de quoi? Le résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début au sujet de la signification du témoignage de la ilaha illallah. Parce qu'on parle du premier pilier de l'islam maintenant, qui est le témoignage de la ilaha illallah. Donc, le résumé à ce sujet-là, hein, le cheikh, il dit, wal-khulasa, anna la ilaha illallah laha ruknan. هما النفي والإثبات فإذا قيل لك ما هي أركان لا إله إلا الله فتقول النفي والإثبات. Donc le cheikh il dit, pour résumer, on va dire que la ilaha illallah, il est basé sur deux piliers. Ces deux piliers là sont la négation et l'affirmation. Si on te demande quels sont les piliers de la ilaha illallah, Tu dois répondre la négation et l'affirmation. D'accord? Maintenant, le cheikh dit, wa shurutuha sab'atun la tanfa'u illa bihadhihi shurut. Nazzamaha ba'duhum biqawlihi 'ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Donc, le cheikh, il dit qu'il y a sept conditions pour le témoignage de la ilaha illallah, et ces sept conditions-là ont été réunies par un des shuyukh qui ont écrit un poème. C'est-à-dire, ils ont résumé la croyance en forme de poème, et ils l'ont mis dans un vers dans lequel on retrouve les sept conditions énumérées les unes après les autres. Ilmun, c'est la science. Yaqinun, la certitude. Ikhlasun, hein, la sincérité. Wasidquka, hein, la véracité. Ma'a mahabbatin, c'est-à-dire avec l'amour. Wanqiyadin, la soumission. Walqabuli laha, et l'acceptation. Donc là, ça c'est les sept conditions mentionnées dans ce vers. Très facile, si on a mémorisé ce vers, on connaît les sept, hein, par cœur. Et ce n'est pas nécessaire réellement de les connaître exactement dans cet ordre-là, du moment qu'on les connaît et qu'on les comprend, mais si on les apprend dans l'ordre, ça facilite. Ça facilite plus la mémorisation et la compréhension aussi. Le cheikh, il dit, donc pour les expliquer une par une, ces conditions de la ilaha illallah, il dit, فَالْعِلْمُ دِدُّهُ الجهل. فالذي يقول لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. Donc le cheikh dit, la première condition c'est la science, d'avoir la connaissance. Et le contraire de cette condition-là, c'est l'ignorance. Le cheikh il dit donc, celui qui dit la ilaha illallah avec sa langue, mais qu'il ignore sa signification, alors ça ne va pas lui profiter. Ça ne va rien lui servir de dire la ilaha illallah, parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Et s'il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ça implique qu'il va faire le contraire sans le savoir. Ça, c'est ça le danger en fait. Donc, la première condition, c'est al-ilm. Et la preuve de ça, le cheikh n'a pas mentionné de preuve ici, mais on a mentionné des preuves déjà quand on a parlé de al-usul al-thalatha au tout début. La première chose qu'on a mentionné, c'est al-ilm dans les quatre choses, hein. Les choses qui sont obligatoires à chaque musulman de connaître, hein. Les quatre, la première, c'est al-ilm. Et c'est quoi le ilm de quoi, la connaissance de quoi? Ma'rifatu. معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بلا دله c'est de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître l'islam avec ses preuves. D'accord? Donc ça c'est le premier, et on a mentionné comme preuve la parole de l'imam al-Bukhari, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Il a commencé par la connaissance avant la parole et l'action. Donc ça c'est la preuve que la science est une condition. Et il y a un verset dans Sourate Az-Zukhruf qui dit إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Excepté ceux qui témoignent de la vérité, c'est-à-dire témoignent de la ilaha illallah, alors qu'ils savent. Hein? Muhammad 19, le verset, oui, le verset qu'on vient justement. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Aynam. Le verset dans Surah Muhammad, verset 19. Aynam. Donc, ça c'est pour al-ilm. La deuxième, al-yaqin. Cheikh il dit, la deuxième condition de la ilaha illallah, c'est al-yaqin. Soyez attentifs, on va vous demander de les redire après. Juste pour voir si vous êtes concentré, inshallah. Donc, al-yaqin, fala yakunu ma'ahu shak, li'an ba'd an-nas qad ya'lamu ma'naha, walakin 'indahu shak fi dhalik. Falaysa 'ilmuhu bi sahih, wa la budda an yakuna 'indahu yaqin bi la ilaha illa Allah wa annaha haqq. Donc, le deuxième, al-yaqin, c'est la conviction ou la certitude. Al-yaqin. Et ça veut dire qu'il ne doit pas avoir de doute. S'il dit la ilaha illallah et qu'il connaît la signification de la ilaha illallah, mais qu'il a des doutes, alors ça c'est une connaissance qui est incorrecte. Sa science n'est pas correcte. Il faut absolument qu'il ait la certitude de ce qu'il dit lorsqu'il dit la ilaha illallah, et il faut qu'il ait la certitude que c'est la vérité. Il ne faut pas qu'il doute en cette parole-là. Hein? Ensuite, donc il faut qu'il ait la certitude que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah seul, hein? Et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. C'est ça qu'il doit. Il doit avoir la certitude de ça, que tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah c'est batil, que c'est le mensonge, et que c'est seulement Allah qui mérite d'être adoré, et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, la condition numéro 3, la condition numéro 2, al-yaqin, on l'a dit, le cheikh n'a pas mentionné une preuve, mais il y a des preuves dans le Coran à ce sujet-là, comme par exemple le verset dans Sourate Al-Hujurat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit innama al-mu'minuna alladhina إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Après c'est وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont point douté. ثم لم يرتابوا. D'accord. Et la troisième condition, c'est al-ikhlas. Le cheikh dit al-ikhlas ضده الشرك. بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يترك الشرك مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور وهؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله لأن من شروطها ترك الشرك. Donc le cheikh il dit que une des conditions de la ilaha illallah, c'est al-ikhlas, c'est-à-dire de faire preuve de sincérité et de pureté, plutôt, hein, de faire en sorte que notre tawhid, notre adoration soit pure, uniquement pour Allah, nettoyée et purifiée de toute forme de shirk. C'est-à-dire que, comme le shirk il dit, il y a des gens qui disent la ilaha illallah, mais en même temps qu'ils le disent, ils n'abandonnent pas le shirk. C'est-à-dire qu'ils disent la ilaha illallah, mais ils continuent à adorer d'autres que Allah. Comme qu'est-ce qu'on peut voir actuellement auprès des gens qui adorent les tombes. Les gens qui adorent les tombes, ils disent « La ilaha illallah » jour et nuit. Hein? Malgré tout, ils continuent à commettre du shirk. Le shirk dit cela, le fait de dire « La ilaha illallah » ne leur profitera en rien. Parce que parmi les conditions de « La ilaha illallah », il y a « l'ikhlas », c'est-à-dire d'abandonner le shirk. Si tu n'as pas abandonné le shirk, ton témoignage de « La ilaha illallah » n'a pas de valeur. Donc ça c'est la troisième condition. La quatrième condition, as-sidq, ضده الكذب, c'est-à-dire la véracité, d'être sincère. Donc des fois on traduit al-ikhlas par la sincérité, mais la sincérité et al-ikhlas c'est pas nécessairement la même chose. C'est-à-dire que dans l'ikhlas, il y a de la sincérité, mais c'est pas seulement la sincérité. Pourquoi? Parce que al-sidq, c'est beaucoup plus proche de la sincérité que al-ikhlas. Al-ikhlas, ça veut dire plus le fait de purifier quelque chose, de faire en sorte que cette chose-là soit pure, exempte de toute forme de shirk. Tandis que al-sidq, c'est le contraire du mensonge, le contraire de l'hypocrisie. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est ça qui est réellement ici la signification de la sincérité. Et là le cheikh il donne comme exemple, il dit لِأَنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلَكِنَّهُمْ كَذِبُونَ فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَعْتَقِدُونَ مَعْنَاهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة إلى آخر الآية. Donc le cheikh il explique ici que الصدق c'est le contraire de الكذب, le contraire du mensonge. Parce que les hypocrites ils disaient لا إله إلا الله, mais dans leur cœur ils mentent. C'est-à-dire qu'ils n'y croient pas, ils ne croient pas en la signification de la ilaha illallah dans leur cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans surat Al-Munafiqun, le verset 1 et 2, il dit « Et lorsque viennent vers toi les Munafiqun, ils disent « Nous témoignons que tu es le messager d'Allah. » Et Allah sait, certes que tu es son messager, et Allah témoigne que les hypocrites, les Munafiqun, sont des menteurs. Ils prennent leur témoignage, leur serment, comme un bouclier. Comme un bouclier pour obstruer le chemin d'Allah. C'est-à-dire, ils disent la ilaha illallah juste pour se protéger. Mais ils n'y croient pas. Hein? Puis ils obstruent le châtiment d'Allah, ils obstruent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la condition numéro 4 d'être véridique. Contrairement à ce que font les hypocrites. Al-Sharto al-Khamis. La cinquième condition, al-mahabba, l'amour. Wal-mahabbatu an takuna muhibban li hadhihi al-kalima waliyan li ahliha wa amma alladhi la yuhibbuha aw la yuhibbu ahliha fa innaha la tanfa'uhu. La condition numéro 5, c'est que tu dois aimer cette parole. Tu dois aimer ce que signifie et ce qu'implique le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que tu dois aussi défendre cette parole. Hein? Et tu dois être l'allié de cette parole, défendre cette parole, hein? Te battre pour cette parole, et tu dois également être l'allié de ceux qui aiment cette parole aussi, et de ceux qui suivent et qui respectent cette parole aussi. Tu dois être allié avec eux et les aimer. Tandis que celui qui n'aime pas la signification de cette parole et qui n'aime pas les gens qui respectent et qui suivent cette parole, eh bien cette parole-là ne leur servira à rien, il ne leur sera d'aucune utilité, aucun bienfait. Le point numéro 6, ou la condition numéro 6, al-inqiyad, diddul i'rad wa tark, c'est-à-dire le fait d'appliquer et de se soumettre à la signification de cette parole et de ne pas s'en détourner ou la délaisser. Et le cheikh il dit, wa huwa al-inqiyad lima tadullu alayhi min ibadati Allah wahdahu la sharika lah wa imtithalu awamirihi ما دامت ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه أما أن تقول لا إله إلا الله ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit que l'inqiyad, ça veut dire c'est le contraire de se détourner ou d'abandonner ou de délaisser cette parole. Donc le fait que tu te soumettes, hein, al-inqiyad, c'est le fait que tu appliques ce que signifie l'adoration d'Allah seul et que tu rejettes tout partenaire et tout associé avec Allah et que tu mets ça en application et que tu respectes les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du moment que tu as reconnu et que tu as témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors tu dois en même temps aussi mettre en application ses règles et ses principes et sa religion. Mais si tu fais juste dire avec ta bouche « La ilaha illallah » mais par la suite tu ne te soumets pas aux règles d'Allah et à sa législation et à sa révélation, alors dans ce cas-là, « La ilaha illallah » ne va pas te servir et ne va pas te profiter. C'est comme les gens qui, par exemple, ils disent la ilaha illallah, mais ils ne veulent pas apprendre l'islam, ils ne veulent rien savoir de l'islam, ils se détournent complètement de l'islam, comme si, hein, en réalité, ils se foutent complètement, hein, ils se foutent complètement de l'islam, comme on dit. Ou bien, pour eux, de connaître ou de ne pas connaître l'islam, ça leur est égal. Ça lui est égal. C'est ça al-inqiyad. C'est le contraire de al-i'rad wa tark, c'est-à-dire le fait de se détourner ou de délaisser cette parole. Le point numéro 7. Wal-qaboul. Al-qaboul al-munafi lil-rad. Bi'an la tarudda shay'an min huquqi la ilaha illallah. Wa ma tadullu alayhi. بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله تقبله تقبلا صحيحا. C'est-à-dire que tu dois accepter la ilaha illallah, et ça c'est qu'est-ce qui s'oppose au rejet ou au refus. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique également que tu ne rejettes rien de ce qui fait partie des droits de la ilaha illallah. Donc tout ce qui est indiqué par la ilaha illallah, tout ce qui fait partie des droits de la ilaha illallah, tu dois l'accepter. Et tu ne dois rien en rejeter. Tu dois l'accepter correctement. Donc s'il y a des choses qui font partie des droits de la ilaha illallah, puis que quelqu'un commence à dire non, ça je l'accepte pas, ou ça je l'accepte pas, hein, alors que c'est des choses qui font partie de l'islam, alors ça veut dire que cette personne-là, elle n'a pas accepté la ilaha illallah. وزيد شرط ثامن وقد زيد ثامنها الكفران بما مع الإله من الأشياء قد أليها. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a rajouté également une huitième condition. Cette huitième condition, c'est quoi? C'est de rejeter tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah parmi les choses qui sont adorées par les hommes. Et le cheikh il mentionne le vers qui explique donc la suite de la première partie du vers qu'il a cité au tout début. Et il l'explique en mots en disant « Ey al-bara'atu min al-shirk ». Donc la huitième condition c'est quoi? C'est le de se désavouer du shirk. De se désavouer du shirk. C'est la huitième condition. Et certains savants, ils n'ont pas mentionné celle-là parce qu'ils ont pris en considération que al-ikhlas, ça implique ça. Al-ikhlas, ça implique que tu te désavoues du shirk. C'est pour que, disons, que ce soit plus clair. Hein? Donc, al-bara'atu min al-shirk, fala yakunu muwahhidan hatta yatabarra min al-shirk. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. Donc, il mentionne que quelqu'un n'est pas un muwahhid, quelqu'un n'a pas encore accompli ou réaliser le sens du tawhid jusqu'à ce qu'il se soit désavoué du shirk. Il mentionne le verset 26 dans Sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple, je me désavoue de tout ce que vous adorez. Donc ça c'est le désaveu complet. Et ça, ça fait partie des conditions de la ilaha illallah, parmi les huit conditions qu'on a mentionnées. Donc, une des conditions que certains ulama ont ajoutées aux sept conditions, c'est al-bara'atu min ash-shirk, le fait de se désavouer et de déclarer ouvertement qu'on rejette le shirk. Hein? Qu'on rejette le shirk clairement et ouvertement. Ensuite, maintenant, le shaykh, maintenant on a expliqué donc ce verset-là. Le verset qui parle au sujet de la preuve de l'explication du témoignage de la ilaha illallah. Maintenant, on passe à l'autre partie du témoignage. C'est shahadatu bi anna Muhammadan Rasulullah. Le témoignage du fait de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc, le cheikh, il dit, le cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, il dit dans le matin, dans le texte de Al-Usul al-Thalatha, il dit « وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ قَوْلُهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ » يعني الركن الأول من أركان الإسلام مكون من شيئين، الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمدا رسول الله، فهما ركن واحد. والشق الأول يعني الإخلاص في العبادة، والشق الثاني يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. دوش الشيخ الفوزاني لإكسبليك. Premièrement, on va lire le verset, l'explication du verset. La preuve du témoignage de Muhammad Rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verset qui est mentionné ici, le verset 128 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, vous est venu un messager de par vous-même, à qui pèse lourd ce que vous avez comme difficulté, et qui est plein de plein de soucis ou bien plein de sollicitude envers vous, et qui est miséricordieux et qui est compatissant envers les croyants. C'est ça la signification du verset. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan indique donc que le premier pilier de l'islam, c'est ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc il veut nous faire comprendre que ce premier pilier, il est compris, il comprend deux choses. Ce premier pilier de l'islam, il comprend deux choses. La première chose, c'est premièrement le témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, la ilaha illallah. Et la deuxième chose, c'est le témoignage que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et le cheikh, il dit donc, ces deux choses-là, c'est un seul pilier. Il y a une partie, la première partie qui signifie qu'on doit purifier notre adoration pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Et la deuxième partie, qui signifie qu'on doit suivre l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam dans cette adoration là. Et donc ça, c'est ce que le Cheikh Al-Fawzan explique maintenant. Et si on observe ça comme il faut, vous allez voir que c'est les fondements et la base de notre da'wah. C'est les fondements et la base de notre da'wah. Lorsqu'on appelle à la salafiyya, lorsqu'on appelle à suivre la sunna, eh bien, on appelle à ces deux fondements-là. On appelle les gens à adorer Allah et à abandonner le shirk. C'est la ilaha illallah. Et on appelle les gens à établir la sunna et à s'écarter ou à rejeter la bid'ah, l'innovation. Hein? Donc ça, c'est Muhammad Rasulullah. Donc notre da'wah, elle est établie sur ça. Et tout le temps, on dit aux gens, suivez, apprenez le tawhid et écartez-vous du shirk. Et on leur dit, suivez la sunna et écartez-vous de la bid'ah. C'est comme si on était en train de leur dire la signification de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Hein? Et si quelqu'un a bien compris la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, on voit que c'est là-dessus que les savants de l'islam se concentrent tout le temps et ramènent toujours les gens à ça. Pourquoi? Parce que c'est la base de la religion musulmane. Hein? Et c'est quelque chose que beaucoup de musulmans à notre époque, malheureusement, n'ont pas compris ou ont négligé. Ou ont compris d'une certaine façon, mais ils ont certaines choses qui leur manquent pour compléter leur compréhension de ce que signifie ce pilier-là. Donc, ensuite, le cheikh il dit: Wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah, qawluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alayhi ma 'anittum, harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa adillatu shahadati anna Muhammadan Rasulullah kathira. من الكتاب والسنة والمعجزات الباهرات الدل على رسالته صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب هذه الآية يقول تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذه شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبيان صفاته وقوله تعالى لقد جاءكم اللام هذه لام القسم ففيها قسم مقدر تقديره والله لقد جاءكم قد حرف تحقيق وتأكيد بعد تأكيد جاءكم أيها الناس وهذا خطاب لجميع الناس لأن رسالته عامة لجميع الثقلين الإنس والجن رسول وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وسمي رسولا لأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique le verset. Il dit premièrement que donc la preuve du témoignage que Muhammad est le messager d'Allah, c'est la parole d'Allah qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire il vous est certes venu un messager de par vous-même pour qui pèse lourd vos difficultés, qui est plein de sollicitude pour vous, hein, et qui est miséricordieux et qui est plein de compassion et de miséricorde pour vous. Donc ça, c'est le verset en question et les preuves du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah, elles sont nombreuses. On les retrouve dans le Coran, on les retrouve dans la Sunna, on les retrouve également dans les grands miracles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait, qui prouvent qu'il était réellement un messager, hein, et qui prouve que sa prophétie était réelle. Et parmi les preuves du Coran, il y a ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala témoigne de son messager, qu'il est réellement un prophète, un messager, et qui clarifie certaines de ses caractéristiques et certaines de ses attributs. Donc, le cheikh explique maintenant le verset, chaque partie du verset. Il dit, لَقَدْ جَاءَكُمْ. Et le cheikh, il dit que dans ce verset-là, quand Allah dit لَقَدْ جَاءَكُمْ, il y a un genre de serment là-dedans. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ça, c'est comme s'il disait, je jure que Hein? Par Allah, je jure que un prophète, un messager vous est venu. Qad, en arabe, c'est une lettre qu'on utilise pour confirmer quelque chose, ou pour rajouter plus d'emphase ou disons d'insistance sur quelque chose. Hein? Laqad, ou qad, ça veut dire, hein, c'est comme si tu insistais sur la signification. Tu dis, certes, cette chose-là est réelle. Hein? En arabe. Donc, laqad ja'akum, il vous est certes venu. Hein, avec certitude et confirmation. Ja'akum, ô vous les hommes. C'est-à-dire, vous êtes venu, vous, à vous tous, ô les hommes. Et ça, c'est un discours qui s'adresse à tous les hommes. Parce que le message du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un message général pour tous les hommes et les djinns. Hein? Rasoulun, le cheikh il dit, il vous est venu un messager, ça c'est la suite du verset. Un messager, c'est celui qui a reçu une révélation. Celui qui a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala une révélation d'une législation et d'une loi. Et qui a été ordonné de la transmettre. On l'appelle messager. Et parfois, vous allez entendre certains ulama qui clarifient ou qui mentionnent que cette définition-là, elle n'est pas nécessairement la bonne. Et on a posé justement la question à Cheikh Al-Fawzan dans d'autres durus pour dire, Cheikh, est-ce qu'il y a des prophètes ou est-ce qu'il y a des messagers à qui on a ordonné de ne pas transmettre son message? Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique que quand on dit Umira bitablirihi, c'est-à-dire qu'on lui a ordonné de combattre pour transmettre cette législation-là. Dans le sens que pour lui, comme dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan, quand il dit Umira bitablirihi, il a été ordonné de la transmettre, c'est pas de la transmettre seulement d'aller voir les gens puis leur dire cette parole, mais c'est d'établir le djihad et de lutter contre les hommes jusqu'à ce qu'ils applique ce tawhid. C'est dans ce sens-là qu'il explique la signification de tablir. Sinon, ceux parmi les ulama qui prennent la signification de umira bitablir dans le sens de transmettre la parole, c'est clair que tous les messagers ont été ordonnés, tous les prophètes ont été ordonnés de transmettre le message, ils n'ont pas été ordonnés de le garder pour eux-mêmes. D'accord? Donc dans ce sens-là, certains savants ont ramener une autre définition parfois de la signification du messager pour que ce soit moins mélangeant ou que ça crée pas de confusion dans l'esprit des personnes parfois. Donc on l'appelle celui qui a reçu une révélation, qui a reçu une législation et celui qui a eu la révélation d'une législation et qui a été ordonné de lutter ou de combattre pour la transmettre, alors celui-là on l'appelle messager. Et on l'appelle messager parce qu'il a été envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. C'est ça. C'est-à-dire que le prophète, lui, il vient pas nécessairement avec une nouvelle législation. Parfois, il vient juste avec une législation, il vient confirmer la législation d'un prophète précédent. Et il vient confirmer ce qu'un prophète précédent avait amené comme loi. Ou comme règle. Parfois aussi, il peut avoir certains éléments de la loi qu'il vient changer ou clarifier ou corriger ou des choses comme ça. Mais il vient pas avec une nouvelle législation. Il vient juste confirmer la législation d'un prophète précédent. Ça, c'est ce que certains ulama ont mentionné. Sinon, il y a beaucoup plus de détails que ça que certains ulama ont mentionné dans certains de leurs livres. Le cheikh il dit min anfusikum. C'est-à-dire, il vous est venu un messager de par vous-même. Le cheikh explique, il dit, « Ay min jinsikum min al-bashar, wa laysa malakan min al-malaika, wa hadhihi sunnatullah subhanahu wa ta'ala, annahu yursilu ila al-bashar rusulan minhum, min ajli al-bayan, wa min ajli an yatakhatabu ma'ahum, liannahum ya'arifunahu. » لو أرسل إليهم ملكا ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه لأنه ليس من جنسهم أيضا لا يقدرون على رؤية الملك لأنه ليس من جنسهم ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى الناس رسولا من جنسهم بل ومن العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبا ومن بني هاشم الذين هم أشرف أنساب قريش وقريش أشرف أنساب العرب فهو خيار من خيار يعرفونه ويعرفون شخصه ويعرفون نسبه ويعرفون قبيلته ويعرفون بلده ويعرفون بلده ولو كانوا لا يعرفونه فكيف يصدقونه ولو كان بغير لغتهم فكيف يفهمون كلامه. Donc le cheikh explique ici, il est de vous-même un messager de vous-même, c'est-à-dire de par vous-même, c'est-à-dire parmi les êtres humains, c'est un messager homme, un messager humain. Il ne fait pas partie des anges, parmi les anges. Hein? Et ça, c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il envoie un messager aux hommes pour leur clarifier. Il leur envoie un messager parmi les hommes pour leur clarifier les choses, dans le but d'être capable de leur transmettre correctement le message et d'échanger avec eux, de dialoguer avec eux pour leur expliquer son message. Et aussi parce qu'ils le connaissent. Parce qu'ils le connaissent. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé un ange comme messager aux hommes, ils n'auraient pas pu dialoguer avec ou parler avec ces hommes-là parce qu'ils ne font pas partie de la même origine que les hommes. Ils n'auraient pas été capables non plus de voir l'ange puisqu'il ne fait pas partie de la même origine que l'homme. Et ils n'auraient pas supporté non plus de le voir. Si les hommes pouvaient voir les anges tels qu'ils sont, dans leur apparence réelle, ils seraient effrayés. Ils ne pourraient pas supporter de voir ça. Et même aujourd'hui, n'importe quelle personne, aujourd'hui, si Allah subhanahu wa ta'ala lui dévoilait une créature ou un être qui fait partie d'une autre dimension qu'on ne voit pas, et qu'il lui montrait cette créature-là dans sa réelle apparence, aujourd'hui, à l'un d'entre nous, eh bien, on serait peut-être mort de peur, ou on aurait peut-être un arrêt cardiaque, ou quelque chose comme ça, parce qu'on aurait été effrayé. Le cheikh, il dit également que ça fait partie de la miséricorde d'Allah, qu'il a envoyé des messagers aux hommes qui font partie de leur race, ou de leur original, la même catégorie, de la même espèce. Le cheikh il dit, et aussi parmi les Arabes, parmi les plus nobles maisons des Arabes. C'est-à-dire, quand on regarde la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il fait partie de la généalogie, yani, parmi les généalogies des Arabes qui était la plus noble. Et il fait partie de la famille de Hashim, les enfants de Hashim. Et ça, c'est parmi la tribu de Quraysh, ce sont les plus nobles. La famille de Hashim, c'est les plus nobles de la tribu de Quraysh. Et Quraysh, c'est la plus noble des généalogies des Arabes, parmi les tribus arabes. Donc, il est venu dans les meilleurs des meilleurs, parmi les meilleurs des meilleurs. Donc les gens le connaissent, les gens connaissent sa personne, les gens connaissent son origine, ses liens de parenté, sa généalogie, sa tribu, ils connaissent sa ville, d'où il vient, de quel pays. Si les gens ne le connaissaient pas, comment ils auraient pu croire en son message? Et si les gens si le message était dans une autre langue que la langue qu'ils connaissent, comment ils auraient pu croire en son message également? Donc, à l'origine, à la base, il fallait que le messager s'adresse à son peuple dans la langue de son peuple. Et puis, par la suite, lorsque les Arabes ont accepté l'islam et qu'ils sont partis dans le monde, ils ont transmis le message de l'islam à tous les différents peuples, puisque c'est un message qui est adressé à la base à toute l'humanité, sans exception. Et il dit ensuite, Azizun alayhi ma'anittum. Qawluhu Azizun يعني شاق عليه صلى الله عليه وسلم. Donc عزيز عليه ما عنتم, c'est-à-dire que عزيز c'est-à-dire ça pèse lourd pour le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est difficile pour lui de voir vos difficultés. ما عنتم يعني ما يشق عليكم. العنت معناه التعب والمشقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته. وكان لا يريد لها المشقة وإنما يريد لها اليسر والسهولة. Donc le cheikh il dit عزيز عليه ما عنتم. عزيز c'est-à-dire c'est quelque chose qui est lourd pour le prophète صلى الله عليه وسلم, qui est dur pour lui de voir que quelque chose est dur pour vous. Tout ce qui est dur pour vous, c'est dur pour lui. Il le ressent. Il ressent cette difficulté-là lui aussi. Et al-anat, hein, anittum, al-anat, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire la fatigue, la difficulté. Hein, qu'est-ce qui est pénible? Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, yani, tout ce qui est dur pour, tout ce qui est dur, yani, pour sa umma, c'est dur pour lui. Tout ce qui est lourd pour sa umma, c'est lourd pour lui. Et il ne voulait rien de difficile pour sa umma. Il voulait uniquement la facilité pour eux, pour nous. Et le cheikh, il donne des exemples. Il dit, وَلِذَلِكَ جَاءَتْ شَرِعَتُهُ سَهْلًا سَمْحًا قال صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَةِ السَّمْحًا. Ça c'est rapporté par Ahmed. Et par, oui, par l'imam Ahmed, selon un hadith de Ibn Abi, selon un hadith de Abu Umama al-Bahili. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit qu'il est venu avec une législation qui est simple et facile. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il l'a dit dans un hadith rapporté, comme j'ai dit, par Ahmed, il dit, j'ai été envoyé avec al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, c'est-à-dire, la religion du pur monothéisme qui s'écarte du shirk et qui invite les hommes à adorer Allah seul, as-samha, c'est-à-dire celle qui est, hein, facile pour les gens, qui n'est pas lourde, qui n'est pas difficile. Et il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Le verset 78 dans Sourate Al-Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion. Al-haraj, c'est la gêne, la difficulté. Donc il n'a mis aucune gêne, aucune difficulté pour vous dans la religion. Il mentionne aussi, qu'Allah ta'ala, ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Fa shari'atuhu sahlatun tatamasha ma'a qudrati an-nas wa istita'ati al-mukallafin. ولا تحملهم ما لا يطيقون. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 16 dans sourate Al-Ma'ida ce qui signifie Allah ne veut pour vous, hein, il n'a voulu pour vous aucune difficulté, aucune gêne. Donc la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est simple, elle est facile et elle est compatible avec la capacité des hommes et avec leur capacité, yani, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et on ne leur met pas une charge qu'ils ne sont pas capables de porter dans cette religion ou dans cette législation-là. وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ لَهُمُ التَّيْسِيرَ مَا وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنَ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا وكان يحب أن يأتي بالعمل ويتركه شفقة بأمه أو عفوا شفقة بأمته يترك العمل وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل أن لا يشق على أمته. هذه من صفاته أنه يشق عليه ما يشق على أمته ويسر أو يسر بسرورها ويفرح بفرحها ومن كانت هذه صفته فلا شك أنه لا يأتي إلا بالخير والرحمة. Donc le cheikh il explique que يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait la facilité pour les gens, il aimait faciliter les choses pour les gens et il n'y a pas une occasion dans laquelle il avait le choix de choisir entre deux choses, excepté qu'il prenait toujours la plus facile des deux. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait le choix entre deux choses, il prenait toujours la plus facile des deux, du moment que ce n'était pas un péché, du moment que ce n'était pas quelque chose de haram. Hein? Parce que si il choisit entre deux choses, une des deux est haram, il ne va pas prendre la plus facile qui est haram parce que c'est plus facile. Non, il va prendre la plus facile des deux si les deux sont halal. Parfois, il y a des gens aujourd'hui, ils jouent avec ça. À notre époque, ils ont le choix entre deux choses. Une des deux est haram. Ils disent, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait toujours la plus facile. Celle-là, c'est la plus facile, donc on prend celle-là. Sauf qu'il ne prenait pas la chose qui est haram si elle était haram. Hein? Il prenait que la chose qui était plus facile si elle était halal. Et le cheikh dit, il aimait faire une action parfois, mais il la laissait par amour pour sa umma, ou par crainte pour sa umma. Il abandonnait cette action, alors qu'il aimait la faire parmi les bonnes œuvres. Et un exemple de ça, c'est l'exemple, par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aimait retarder le temps de la prière de Isha, jusqu'à plus tard dans la nuit, mais il craignait, parce qu'il craignait que c'était trop dur pour sa umma. Il dit, si je n'aurais pas eu la crainte que cette chose-là allait être trop dure pour ma umma, j'aurais ordonné aux gens de prier à cette heure-là à chaque fois. Ou le stiwak, exactement, barakallahu fik. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si j'aurais pas eu peur de faire trop de difficultés pour ma umma, eh bien, j'aurais ordonné à ma umma de faire le siwak avant chaque prière. Hein? Mais, par crainte de rendre les choses trop difficiles pour la umma, il les a épargnées de ça. Hein? Et le tarawih, comme par exemple, le frère, qu'est-ce qu'il mentionne, le tarawih, il avait cessé de faire les prières de tarawih durant sa vie. Il les a fait pendant 3 nuits, puis il a cessé de les faire par crainte que ça devienne obligatoire pour la umma. D'accord? Et c'est uniquement par la suite que les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont ramené. Hein? Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui, parfois, essaient de ramener cet exemple-là comme étant une bid'a. Mais, bien entendu, c'est pas une bid'a puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Hein? En jama'a. Ensuite, le cheikh, il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie de ses caractéristiques. Que tout ce qui était lourd pour sa umma et dur pour sa umma, c'était dur pour lui. Et tout ce qui réjouit la umma, ça le réjouit. Et il se réjouit pour la joie de sa umma. Hein? Donc ça, c'était les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que il n'amène rien excepté que il y a dedans du bien et de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Et on peut mentionner parmi les exemples de facilité dans la religion aussi le fait de passer les mains sur les chaussettes, au lieu de laver les pieds. On peut mentionner aussi la permission de raccourcir la prière lorsqu'on est en voyage, et de les jumeler, pour le Dhuhr et l'Asr, le Maghrib et l'Isha, en voyage. Aussi, on peut mentionner comme exemple aussi, oui, c'est ça, le Jam en général aussi, lorsqu'il y a une raison de le faire, ou bien pour faciliter les choses des fois quand c'est nécessaire. On peut mentionner aussi, lorsque quelqu'un est malade dans le Ramadan, il ne peut pas jeûner, il peut les reprendre plus tard, ou bien lorsqu'il est en voyage, il peut jeûner plus tard, ou des choses comme ça. Ça, c'est la facilité dans la religion. Donc, il faut comprendre la question de la facilité dans la religion, que la religion, elle est facile en elle-même. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a rendu la religion facile. C'est pas que nous, on va la faciliter, la rendre facile dans le sens que on va rendre des choses haram, on va les rendre halal pour que ce soit plus facile pour les gens, ou des choses de ce genre comme certains. Hein? les choses haram, on va les rendre halal pour faire, pour faciliter la religion aux gens. Ça, c'est pas ça la facilité de l'islam. Hein? Parce qu'il y en a des gens qui disent, comme ils prennent le hadith du prophète, il dit, yassiru wa la tu'assiru. C'est-à-dire, rendez la religion facile et ne la rendez pas difficile. Et ils pensent que ça veut dire rendre halal ce qui est haram. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la signification de ça, yani. Comme, yani, par exemple, il n'y a pas d'eau, bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'utiliser la terre pour faire le tayammum. Hein? Ou bien, par exemple, quelqu'un, il est malade, il ne peut pas prier debout, il peut prier assis. Quelqu'un, il est handicapé ou il est blessé, il ne peut pas prier assis, il peut prier allongé. Hein? Quelqu'un peut, il est paralysé, il ne peut pas bouger son corps, il peut prier avec ses yeux, il fait les mouvements avec ses yeux. Hein? Ou des choses comme ça, ça c'est des exemples. Mais d'essayer de changer la religion pour essayer de la rendre facile, en changeant la religion d'Allah, alors que elle est déjà facile, non, ça fait pas partie. C'est comme aujourd'hui, il y en a maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, maintenant on peut pas porter le hijab dans ce pays-là, parce qu'ils veulent pas le porter, pas parce qu'ils peuvent pas, mais parce qu'ils veulent pas. Les femmes, elles veulent pas le porter comme il faut, parce qu'elles ont peur du jugement des gens, elles ont peur que des remarques des gens, elles ont peur de se faire moquer des gens, par les gens, ou des choses comme ça. Alors, étant donné qu'ils veulent pas supporter la pression, eh bien, ils vont dire, bon, dans ce cas-là, on va inventer un nouveau hijab. On va faciliter la religion. Au lieu de mettre le djilbab avec le, hein, couvrir la tête aux pieds, couvrir le corps au complet avec des vêtements amples et vraiment, yani, qui sont larges et qui sont opaques et tout, on va juste, yani, mettre ça plus, hein, plus facile. Un jeans, un pantalon, ou bien un petit foulard sur les cheveux, même s'il y a quelque chose qui dépasse, hein, ou même si on voit des formes du corps, c'est pas grave. Du moment qu'on nous moque pas ou bien on nous accepte socialement dans la société des koufars, c'est ça qui est correct. Non, ça c'est pas de cette façon-là qu'on rend la religion facile. Ça c'est de déformer la religion. Hein? Ça c'est un exemple. Ensuite, oui, wa harisun alaykum. Harisun alaykum ay ala hidayatikum wa ikhrajikum min al-zulumat ila al-nur. ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلبا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى قال الله له لعلك باخع النفس ألا يكونوا مؤمنين أي لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين من أجل الحزن عليهم فلا تحزن عليهم وهذا من كمال نصحه sallallahu alayhi wa sallam. Donc on dit harisun alaykum, hein, plein de sollicitude envers vous, c'est-à-dire il a un désir ardent en lui pour votre guidance, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Yani, il a, hein, ce sentiment, cette intention de vouloir le bien pour vous, hein, il est attentionné pour vous, hein, et il va même jusqu'à supporter et endurer des grandes difficultés dans l'invitation qu'il vous fait à la guidance. Il vous demande, hein, de suivre le droit chemin, et il endure plein de difficultés pour, en faisant ça, pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière, à un tel point que Allah subhanahu wa ta'ala, il le décrit dans sourate al-Shu'ara, le verset 3, en disant la'allaka bakhi'un nafs an la yakunu mu'minin. Hein? Il se peut que, hein, ton âme soit tourmentée du fait que ces gens-là ne soient pas croyants. Ça lui cause beaucoup de tristesse, beaucoup de mal en lui-même de voir que les gens ne sont pas croyants et qu'ils ne suivent pas la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran, c'est-à-dire, ne te mets pas dans cet état-là, yani, par rapport au fait que ces gens-là ne sont pas des croyants à cause de la tristesse que tu as pour eux. Hein? Ne t'attriste pas pour eux à ce point-là. Hein? Et ça, ça montre la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les gens. Et comment il veut le bien pour eux. Et Allah, subhanallah, comme il dit dans plusieurs hadiths, il explique, il a dit dans un hadith, il a dit, Anan nadhirul uryan. Il dit, je suis l'avertisseur nu. Hein? C'est comme l'homme lorsque il est en haut de la montagne et qu'il voit l'ennemi qui approche. Et il n'a pas le temps d'avertir les gens et de crier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses vêtements et il part à courir à travers le village. Les gens voient ça et disent, ah, il y a un grand danger qui nous approche. Hein? Et il a dit, moi, je suis al-Nadhir al-Uryan. Yani, dans le sens que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, yani, il veut tellement le bien pour les hommes que même s'il doit subir plein de difficultés, plein d'humiliations, plein d'insultes par les gens, du fait qu'il les appelle à la guidance, eh bien, il est prêt à endurer ça. Subhanallah. C'est comme si quelqu'un, tu veux leur donner de l'argent, puis eux, ils t'insultent. Et ils te rejettent, et ils te repoussent. Tu dis, ouais, mais je veux vous donner de l'argent. Comment vous rejetez ça, hein? En réalité, tu vas jamais trouver quelqu'un que si tu l'appelles à lui donner de l'argent, tu lui donnes un billet de 100 dollars, qu'il va t'insulter ou bien il va rejeter ça. Personne. Mais la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus que 100 dollars. C'est plus que la valeur de ça. C'est plus que la valeur de l'argent. En fait, la valeur de cette da'wah, c'est plus que ce monde et tout ce qu'il contient. Puisque c'est la clé pour le paradis. Et si tu rentres au paradis, c'est mieux que tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc, il te donne tout ce qu'il y a de meilleur et il t'appelle à tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et toi, tu lui réponds comme si en voulant dire non, je ne veux pas entendre, je ne veux pas écouter, je ne veux pas suivre. Comme s'il était en train de t'offrir quelque chose de mauvais. Et toi, tu le rejettes. Alors qu'il t'invite à la plus belle et à la meilleure des choses et à la plus. La chose qui a le plus de valeur au monde. Donc c'est ça la réalité, hein. Et il dit ensuite, pour terminer, il dit bil mu'minina ra'ufun rahim ra'ufun min ar-ra'fa wa hiya ar-rifq wal-lutf wal-rahim yani sifat wasfuhu bil-rahma falaysa bighalidh فبما رحمة من الله لنتلهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Donc le cheikh, il termine l'explication de ce verset là en disant plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Et Raouf, le cheikh, il explique que ça vient de Ar-Ra'fa. Ar-Ra'fa, ça veut dire la douceur. Ça veut dire yani rifq en arabe, c'est-à-dire la douceur, et al-lutf yani la sensibilité, la douceur. Et rahim, c'est-à-dire l'attribut de miséricorde. Donc il est doux et il est miséricordieux avec les gens. Il n'est pas dur, il n'est pas rude avec les gens. Hein? Il n'agit pas avec dureté, avec rudesse, hein? Toujours. Et donc, le cheikh, il dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ. Il mentionne le verset 159 dans Surat Al-Imran. Il dit, et c'est par une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été doux envers eux. Si tu avais été dur, ou rude, si tu avais été rude ou dur de cœur, il se serait écarté de toi. Donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été doux avec les gens et que ça, c'est le comportement qu'on doit adopter nous aussi envers les gens lorsqu'on les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'on leur explique les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et puis on continue la semaine prochaine la suite de la signification de Muhammadun Rasulullah. Tayyib.